Sound Studio. Yeah, CO. Orca. Yeah, on s'y fait pas. On s'y fait pas. On s'y fait pas, mais faut s'y faire. On s'habitue au luxe, au crime, à la croissance des BNF, à ce qui est doux, à ce qui brille, et surtout à ce qui est neuf. On s'y fait à l'envie que génère auprès d'autrui. Les vacances au creux des îles et les omelettes aux truffes. On se fait à la jalousie, on sait que ça leur passera. On en vient à se méfier des rats et des passeras. On s'accommode au changement, du plastique au cristal, du célibat au mariage, du coma au capital. Car c'est facile, ça demande peu d'efforts. C'est dans la logique moderne et quand l'argent coule à flot, on s'y fait sans s'en plaindre. Passer du coq à l'annonce en bas, tant qu'il y a moins de gras à moudre. L'important, c'est l'aspiration dictée par nos bonnes mœurs. Gravir les marches du podium, faire fructifier le commerce. Está dispuesto a cambiar el plomo por el oro y por supuesto jamás a renunciar a todo tesoro. Personne ne le désire, j'en chialerai si ça m'arrive de perdre l'objet de mes plaisirs. Está dispuesto a cambiar el plomo por el oro y por supuesto jamás a renunciar a todo tesoro. Personne ne le désire, j'en chialerai si ça m'arrive de perdre l'objet de mes plaisirs. Es tan difícil renunciar a la comodidad. No es casualidad que busque mejorar la calidad de vida. Que cada día apuntes más arriba, te juntes con quien aspira a la cima más encima. Que las cosas buenas se aceptan sin problema. Que no hay drama cuando el dinero entra en escena. Whisky y habano en tu casa, con vista al mar. Es tanto mejor recibir lo que tu puesto insiste en dar. Que volver a empezar, tener que ponerse a pensar. Que tal vez en un momento te tendrás que esforzar. Con sirvientes para todo, hoy buscas a disfrutar. Viajar y llegar. Llegar a descansar a cualquier lugar, Visa Mastercard, divisas capital, empiezas a acumular, tu gusto es estimular, por el ojo hay que pagar, pero es tanto más caro el precio para renunciar. Me pongo en tu lugar, sigo mis amigos, todos queremos tener, hay caídas en los pies, buena ropa en la piel, una copa y su Chanel, para darle a mi mujer, queremos hacer, si el destino nos hace todo perder, a cambiar el plomo por el oro y por supuesto, jamás a renunciar a todo tesoro. Personne ne le désire, j'en chialerai si ça m'arrive de perdre l'objet de mes plaisirs. Está dispuesto a cambiar el plomo por el oro y por supuesto jamás a renunciar a todo tesoro. Personne ne le désire, j'en chialerai si ça m'arrive de perdre l'objet de mes plaisirs. Est-ce la solution? Kicker les seuls du destin sans espoir de rédemption. Personne n'est innocent, personne n'est à l'abri d'une chute inespérée, d'une vague de tsunami. On s'y fait pas, personne ne le désire. Ça me fait peur à penser, j'en saurais réagir. C'est le jour au point de départ, je devrais revenir. Passer d'un instant du souhait au souvenir. On ne peut pas deviner ce que nous prépare l'avenir. Está dispuesto a cambiar el plomo por el oro y por supuesto jamás a renunciar a todo tesoro. Personne ne le désire, j'en chialerai si ça m'arrive de perdre l'objet de mes plaisirs. Está dispuesto a cambiar el plomo por el oro y por supuesto jamás a renunciar a todo tesoro. Personne ne le désire, j'en chialerai si ça m'arrive.